50 languages. 35. 35. في المطار. À l'aéroport. À l'aéroport. أريد أن أحجز تذكرة بالطائرة إلى أثينا. Je voudrais réserver une place sur le vol pour Athènes. Je voudrais réserver une place sur le vol pour Athènes. هل هو طيران مباشر؟ Est-ce que c'est un vol direct? Est-ce que c'est un vol direct? من فضلك، مقعد أعلى النافذة لغير المدخنين. Une place près du hublot non fumeur, s'il vous plaît. Une place près du hublot non fumeur, s'il vous plaît. أريد أن أؤكد الحجز. Je voudrais confirmer ma réservation. Je voudrais confirmer ma réservation. أريد إلغاء الحجز. Je voudrais annuler ma réservation. Je voudrais annuler ma réservation. أريد تبديل الحجز. Je voudrais modifier ma réservation. Je voudrais modifier ma réservation. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Quand part le prochain avion pour Rome? Quand part le prochain avion pour Rome? أما زال هناك مقعدان؟ Y a-t-il encore deux places de libre? Y a-t-il encore deux places de libre? لا, لم يبقى سوى مقعد واحد. Non, nous n'avons plus qu'une place de libre. Non, nous n'avons plus qu'une place de libre. متى سنهبط؟ Quand est-ce que nous atterrissons? Quand est-ce que nous atterrissons? متى سنصل؟ Quand serons-nous là-bas? Quand serons-nous là-bas? متى تسير الحافلة إلى مركز المدينة؟ Quand est-ce qu'un bus part pour le centre-ville? Quand est-ce qu'un bus part pour le centre-ville? هل هذه حقيبتك؟ C'est votre valise? C'est votre valise? هل هذه حقيبتك الصغيرة؟ C'est votre sac? C'est votre sac? هل هذه أمتعتك؟ Ce sont vos bagages? Ce sont vos bagages? ما وزن الأمتعة المسموح بها؟ Combien de bagages puis-je emporter? Combien de bagages puis-je emporter? 20 kilos. 20 kilos. 20 kilos. كم فقط 20 كيلو؟ Quoi? Seulement 20 kilos? Quoi? Seulement 20 kilos? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.